Chapitre 12, deuxième partie. Bénarès est la ville sacrée de l'Inde. Elle est à l'hindou ce que la Mecque est au mahométan et Rome au catholique. La croyance de l'hindou à la sainteté de cette ville est si grande que, selon lui, tout homme de quelque religion qu'il soit jouit un jour de la félicité éternelle s'il y a passé 24 heures. Un des plus beaux traits de la religion et du caractère de ce peuple est cette noble croyance qui confond le fanatisme religieux de bien des sectes chrétiennes. Le nombre des pèlerins s'élève tous les ans de 3 à 400 000 et leur séjour, leurs offrandes et leurs dons ont rendu Bénarès la ville la plus riche du pays. Il sera peut-être à propos de placer ici sur la religion de ce peuple intéressant quelques observations que j'emprunte à Zimmermann. Taschenbuch der Reisen, journal des voyages. Le fond de la religion hindoue est la croyance à un être premier et suprême, à l'immortalité de l'âme et à la récompense de la vertu. Leur idée de Dieu est si grande et si belle, leur morale si pure et si sublime qu'on n'en saurait trouver de pareil chez aucun peuple. Leurs préceptes sont d'adorer l'être suprême, d'invoquer les dieux tutélaires, de se montrer bienveillant pour leurs semblables, d'avoir pitié des malheureux, de les soutenir, de supporter patiemment les peines de la vie, de ne pas mentir, de ne pas commettre d'adultère, de lire et d'écouter lire l'histoire divine, de parler peu, de jeûner, de prier et de se baigner aux heures déterminées. Ce sont les devoirs généraux auxquels les livres sacrés obligent tous les Indiens, sans distinction de race ni de caste. Leur véritable et unique Dieu s'appelle Brahma, qu'il ne faut pas confondre avec Brahma, créé par lui. C'est la vraie lumière qui est la même, éternelle et bienheureuse dans tous les temps et dans tous les lieux. Le mal est puni et le bien récompensé. De l'essence immortelle de Brahma est émanée la déesse Bhavani, c'est-à-dire la nature, et une légion de 1180 millions d'esprits. Parmi ces esprits, il y a trois demi-dieux ou génie supérieur, Brahma, Vishnu et Shiva, la trinité des hindous, appelée chez eux Trimurti. Longtemps, la concorde et la félicité régnèrent entre les esprits, mais ensuite éclata parmi eux une révolte et plusieurs refusèrent d'obéir. Les rebelles furent précipités du haut des cieux dans l'abîme des ténèbres. Alors, eut lieu la métempsychose. Chaque être, chaque plante fut animé par un ange déchu. Cette croyance explique la bonté infinie des hindous pour les animaux. Ils les considèrent comme leurs semblables et n'en veulent tuer aucun. L'hindou adore avec le sentiment le plus pur et le plus religieux le grand but de la nature, la procréation des corps organiques. Toutes les parties qui concourent à ce but sont sacrées à ses yeux et dignes de son respect. C'est la seule raison qui lui fait offrir un culte au lingam. On est tenté de croire que ce n'est qu'à la longue que tout ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette religion mal comprise et faussée dans la bouche du peuple est descendu au rang de folle jonglerie. Il suffira d'indiquer les attributs de quelques-unes des principales divinités des hindous pour expliquer l'état actuel de leur religion. Brahma, comme créateur du monde, est représenté avec 4 têtes d'homme et 8 mains. Dans une main, il tient le code. Dans les autres, il a différents emblèmes. Il n'est point adoré dans une pagode, temple. Il a perdu cette prérogative par son orgueil, car il avait voulu pénétrer la nature de l'être suprême. Cependant, après s'être repenti de sa folie, il obtint que les brahmanes, en son honneur, instituerait des fêtes solennelles appelées Puche. Vishnu, comme conservateur de l'univers, est représenté sous 21 figures différentes, à moitié poisson, à moitié homme, comme tortue, à moitié lion, à moitié homme, Bouddha, nain, etc. La femme de Vishnu est adorée comme la déesse de la fécondité, de la richesse, de la beauté, etc. C'est en son honneur qu'on regarde la vache comme sacrée. Shiva est le destructeur, le vengeur, le réformateur, le vainqueur de la mort. Aussi a-t-il un double caractère. Il est bienfaisant ou redoutable. Il récompense et il punit. Ordinairement, on le représente sous des traits horribles, tout entouré d'éclairs, avec trois yeux, dont le plus grand est sur le front. En outre, il a 8 bras, dont chacun tient quelque chose. Quoique ces trois divinités soient hiérarchiquement aussi haut placées les unes que les autres, la religion des hindous ne se divise réellement qu'en deux sectes, les adorateurs de Vishnu et ceux de Shiva. Brahma n'a pas de secte, à proprement parler, parce qu'il n'a ni temple ni pagode. On pourrait cependant considérer toute la caste des prêtres, des brahmanes, comme attachée à son culte, puisqu'ils prétendent être sortis de sa tête. Les adorateurs de Vishnu portent sur le front ou sur la poitrine, peint en rouge ou en jaune, le signe de la Jani. Les adorateurs de Shiva portent au front le signe du Lingam ou d'un obélisque ou d'un triangle ou du soleil. On admet 333 millions de divinités inférieures. Ce sont les dieux des éléments, des phénomènes de la nature, des passions, des arts, des maladies, etc. On les représente sous différentes formes et avec toutes sortes d'attributs. Il y a en outre des génies, de bons ou de mauvais démons. Le nombre des bons dépasse celui des mauvais de 3 millions. D'autres objets encore ont aux yeux des hindous un caractère sacré, comme les fleuves, parmi lesquels le Gange occupe le premier rang. On le dit formé de la sueur de Shiva. L'eau du Gange jouit d'une si haute réputation qu'on en fait un commerce considérable et qu'on la transporte à plusieurs milles dans l'intérieur du pays. Parmi les animaux, les hindous adorent surtout la vache, le bœuf, l'éléphant, le singe, l'aigle, le cygne, le paon et le serpent. Parmi les plantes, le nénuphar, le bananier et le manguier. Les brahmanes ont une très haute vénération pour une pierre qui est, d'après Sonorat, une corde d'amon pétrifiée en roche schisteuse. Ce qui est excessivement remarquable, c'est qu'on ne trouve pas dans tout l'Hindoustan une seule image de l'être suprême. Il leur paraît trop grand. Toute la terre, disent-ils, est son temple, et ils l'adorent sous toutes les figures. Les adorateurs de Shiva enterrent les morts, les autres sectes les brûlent ou les jettent dans le fleuve. Fin des observations de Zimmermann. Celui qui ne connaît l'Inde que pour être allé à Calcutta ne peut se faire une juste idée de ce pays. Calcutta a presque le caractère d'une ville européenne. Les palais et les équipages ressemblent à ceux de l'Europe. On y voit des promenades, des réunions, des bals, des concerts qui peuvent presque rivaliser avec ceux de Paris et de Londres. Et si on ne rencontrait pas dans la rue l'indigène au teint jaune foncé et dans les maisons l'hindou qui fait le service, on pourrait bien oublier qu'on se trouve dans une autre partie du monde. Il en est tout autrement de Bénarès. L'Européen s'y trouve isolé. Des coutumes et des usages étrangers lui rappellent à chaque pas qu'il n'est qu'un intrus toléré. Bénarès compte 300 000 habitants, parmi lesquels il y a à peine 150 Européens. La ville est belle, surtout vue du côté de l'eau où l'on n'aperçoit pas ses défauts. De superbes escaliers en pierre colossale conduisent du rivage aux maisons, aux palais et aux magnifiques portes de la ville. dans la belle partie de la ville, ces escaliers forment une chaîne non interrompue de 2000 de longueur. Ils ont coûté des sommes énormes. Et avec les pierres employées à leur construction, on aurait pu bâtir une grande ville. Le beau quartier de Bénarès renferme beaucoup d'anciens palais de style mauresque, gothique ou hindou. Les portails sont grandioses, les façades sont couvertes de superbes arabesques, de bas-reliefs et de sculptures. Les divers étages sont ornés de belles colonnes, de piliers en saillie, de vérandas, de balcons, de frises et de corniches. Les fenêtres seules ne me plurent pas. Elles sont basses, étroites et rarement régulières. Tous les palais et toutes les maisons ont des toits très larges ou inclinés. Quelquefois, ils n'ont que des terrasses. D'innombrables temples donnent une preuve de la richesse et du caractère religieux des habitants. Tout riche hindou construit près de sa maison un temple, c'est-à-dire une tourelle qui souvent n'a guère plus de 6 ou 7 mètres de haut. Ce temple indien se compose d'une tour haute de 10 à 20 mètres, sans fenêtre et avec une petite entrée. Il se présente très bien et a l'air très original, surtout vu de loin, car il est taillé avec beaucoup d'art et beaucoup de goût, ou bien richement chargé d'ornements extérieurs, tels que flèches, petites colonnes ou pyramides, feuilles, niches, etc. Mais il y a malheureusement aussi beaucoup de ruines parmi ces belles constructions. Le Gange mine fréquemment le sol et les palais et les temples se tassent ou s'écroulent tout à fait. Dans quelques endroits, on a construit sur leur emplacement de misérables bicoques qui forment un contraste choquant avec le bel aspect de ce qui les entoure. Les ruines, du moins, ont encore leur beauté. Quand on arrive près du fleuve au lever du soleil, on voit un spectacle que l'on ne peut comparer à rien au monde. Le pieux hindou y vient faire ses dévotions. Il entre dans le Gange, se tourne du côté du soleil, s'asperge 3 fois à la tête avec l'eau qu'il a puisée dans le creux de sa main et récite en même temps ses prières. Si l'on tient compte du chiffre élevé de la population de Bénarès, on ne me taxera pas d'exagération si j'évalue à environ 50 000 le nombre des fidèles, non compris les pèlerins, qui viennent chaque jour prier dans le fleuve. Beaucoup de brahmanes sont soit assis dans de petits kiosques ou bien sur des blocs de pierre sur les escaliers tout près de l'eau pour recevoir les dons des riches et des pèlerins et pour leur donner en échange l'absolution de leurs péchés. Tout hindou doit se baigner au moins une fois par jour, et cela le matin. S'il est très dévot, et s'il en a le temps, il répète la même cérémonie le soir. Quant aux femmes, elles font leurs ablutions chez elles. Pendant le temps des fêtes appelées Mela, où l'affluence des pèlerins à Bénarès est incalculable, les marches des escaliers peuvent à peine contenir la masse des fidèles et le fleuve et comme tout semé de points noirs qui représentent les têtes des baigneurs. Il s'en faut de beaucoup que l'intérieur de la ville soit aussi beau que la partie qui s'étend le long du Gange. On y trouve encore une grande quantité de palais, mais ils n'ont ni beaux portails, ni colonnes, ni vérandas, etc. Plusieurs de ces édifices sont revêtus d'un ciment fin et d'autres sont couverts de misérables fresques. Les rues sont laides et sales pour la plupart, et il y en a de si étroites qu'on ne peut pas y passer en palanquin. Dans tous les coins, presque devant chaque maison, on retrouve l'emblème du dieu Shiva. Le plus beau temple de Bénarès est celui de Visvisha. Ces deux tours sont unies l'une à l'autre par des colonnades, et les flèches sont revêtues de lames d'or. Le temple est entouré d'un mur. On nous permit de pénétrer dans l'avant-cour et d'aller jusqu'aux portes d'entrée. Nous aperçûmes à l'intérieur quelques emblèmes de Vishnu et de Shiva, couronnés de fleurs et couverts de riz, de froment et d'autres grains. Dans les péristyles, on voyait de petits taureaux en métal ou en pierre et des taureaux blancs vivants. J'en comptais 8, se promenaient librement. Ces derniers, regardés comme sacrés, peuvent circuler partout et il ne leur est même pas interdit d'assouvir leur faim avec les fleurs et les fruits déposés comme offrande. Ces animaux sacrés ne se tiennent pas seulement dans les temples, mais se promènent aussi dans les rues. Tout le monde leur fait respectueusement place et on leur jette quelquefois même à manger. Mais on ne les laisse plus, comme autrefois, toucher aux grains exposés en vente. Un de ces taureaux sacrés vient-il à mourir, il est jeté dans le fleuve ou brûlé. Il jouit à cet égard des mêmes honneurs que l'hindou. Il y avait dans le temps des hommes et des femmes qui avaient apporté des fleurs avec lesquelles ils ornaient et couronnaient les emblèmes. Plusieurs mirent aussi une pièce d'argent parmi les fleurs. Ils jetèrent de l'eau du Gange sur ses emblèmes et sur ses bouquets et répandirent dessus des grains de riz et d'autres plantes. Près du temple de Vishvisha se trouvent les lieux les plus vénérés des hindous de Bénarès. La fontaine sacrée et la Mankarnika, ou grand bassin d'eau. Voici ce qu'on raconte de la fontaine sacrée. Les Anglais, s'étant emparés de Bénarès, braquèrent un canon à l'entrée d'un temple pour détruire le dieu Mahadeo. Les Brahmanes, exaspérés, cherchèrent à soulever le peuple, qui se porta en effet au temple en grande masse. Les Anglais, pour prévenir la lutte, dirent aux hindous « Si votre dieu est plus fort que celui des chrétiens, le boulet ne lui fera aucun mal. Mais dans le cas contraire, il tombera à terre brisé. » Ce fut naturellement cette dernière chose qui arriva. Mais les Brahmanes ne se reconnurent pas pour vaincus. Et ils déclarèrent qu'avant l'explosion du coup de canon, ils avaient vu l'esprit de leur dieu quitter l'image de pierre et se jeter dans la fontaine voisine. Depuis ce temps, la fontaine passe pour sacrée. Le Mankarnika est un bassin profond, recouvert intérieurement de pierre. Il a 20 mètres de large et autant de long. Des escaliers spacieux conduisent à l'eau des quatre côtés. On raconte ici une histoire analogue du dieu Shiva. Les deux dieux, Mahadeo et Shiva, résident encore aujourd'hui, l'un dans la fontaine et l'autre dans le Mankarnika. Tout pèlerin venant à Bénarès doit, à son arrivée, se baigner dans cet étang sacré et offrir un petit don aux Brahmanes. Ils s'en trouvent toujours là pour les recevoir. Les Brahmanes ne se distinguent pas par leurs habits des gens de la classe aisée. Ils ont seulement un teint plus clair et plusieurs de ceux que j'avais vus avaient de très nobles figures. À 50 pas de cet étang, sur les bords du Gange, s'élève un temple de toute beauté avec 3 tours. Malheureusement, le sol fléchit il y a quelques années. Les tours se déjetèrent, l'une penche à gauche, l'autre à droite, et la troisième est presque enfoncée dans le Gange. Parmi les milliers de temples et de pagodes disséminés dans la ville, quelques-uns valent la peine d'être vus en passant. Mais je ne conseillerais à personne de faire de grands détours pour les visiter. La place où l'on brûle les morts est également tout près de l'étang sacré. Quand nous y arrivâmes, on faisait justement griller quelques cadavres, car on ne peut pas appeler autrement la manière dont on les brûlait. Les bûchers étaient si petits que les corps les dépassaient en tous sens. La mosquée d'Aurangzeb mérite surtout l'attention du voyageur. Elle est célèbre par ses 2 minarets qui ont 50 mètres de haut et passent pour les plus effilés qu'il y ait au monde. Ils ressemblent à 2 aiguilles et méritent certainement ce nom plutôt que les minarets de Cléopâtre à Alexandrie. Des 3 escaliers tournants pratiqués dans l'intérieur conduisent jusqu'au faîte où l'on a ménagé un petit rebord avec un garde-fou d'un pied de hauteur. Heureux celui qui n'est point sujet au vertige. Il peut se placer sur la plateforme et embrasser à vol d'oiseau l'océan des palais et des maisons entremêlés de temples et de pagodes. Le Gange aussi se déroule à ses pieds, avec ses innombrables quais en escalier. Par des jours très purs et très clairs, on doit même apercevoir à l'extrémité de l'horizon une chaîne de collines. Mais quoi qu'il fît beau et clair, je ne pus la découvrir. Une construction extrêmement remarquable et curieuse est l'observatoire élevé il y a plus de 200 ans par Jessing sous le règne du spirituel empereur Akbar. On n'y trouve pas de longue-vue ni de télescopes ordinaires. Tous les instruments ont été composés artificiellement au moyen de pierres de taille massive. Sur une terrasse élevée, à laquelle conduisent des escaliers en pierre, on voit des tables orbiculaires, des arcs en forme de demi-cercle et de quart de cercle, etc., couverts de signes, de lignes et de caractères. Avec ces instruments, les brahmanes ont fait et font encore aujourd'hui leurs observations astronomiques. Nous en trouvâmes plusieurs sérieusement occupés à faire des calculs et à rédiger des mémoires. Bénarès est en général le principal siège de l'érudition hindoue. Parmi les 6000 brahmanes qui y demeurent, il y en a beaucoup, dit-on, qui enseignent l'astronomie, le sanskrit et diverses sciences. Une autre curiosité de Bénarès sont les singes sacrés, établis particulièrement sur quelques manguiers énormes du faubourg d'Urgakund. Quand nous arrivâmes sous les arbres, ces animaux durent probablement se douter que c'était à cause d'eux que nous y étions venus, car ils s'approchèrent de nous sans la moindre crainte. Mais quand le serviteur que nous avions envoyé chercher de la nourriture pour eux revint, les appela et les invita poliment à venir manger. C'était un plaisir de voir ces singes accourir en sautant et en gambadant des toits, des arbres, des maisons et des rues d'alentour. En un clin d'œil, nous nous trouvâmes entourés de quelques centaines de singes qui se disputaient de la manière la plus plaisante les fruits et les grains qu'on venait de leur jeter. Le plus grand ou le plus âgé d'entre eux imposait son autorité à toute la bande. Partout où il y avait rixe ou dispute, il arrivait, donnait des coups, montrait les dents et poussait des cris de colère. Aussitôt, les combattants se séparaient et s'enfuyaient. C'était vraiment la société de singes la plus nombreuse et la plus amusante que j'eusse jamais vue. Ils avaient plus d'un demi-mètre de haut et ils étaient d'un jaune sale. Un jour, mon bon hôte, M. Luitpold, me conduisit à Sarnath, à 5 000 de Bénarès, où l'on trouve quelques ruines intéressantes, trois tours énormes et massives. Note, M. Luitpold, allemand de naissance, me reçut d'une manière très gracieuse. Lui et sa charmante femme eurent pour moi les prévenances les plus aimables. Je leur en suis très reconnaissante. Fin de note. Elles ne sont pas d'une hauteur considérable et sont placées sur trois collines artificielles, éloignées d'un mille l'une de l'autre. Ces collines et ces tours sont construites en grosses briques. La plus grande de ces tours est encore en ce moment revêtue en plusieurs endroits de dalles de pierre sur lesquelles on découvre çà et là des traces de belles arabesques. Beaucoup de ces dalles sont étendues par terre au milieu de ruines. Sur les deux autres tours, on ne trouve trace de rien de semblable. Chaque tour a une petite porte et ne contient qu'un seul appartement. Note, beaucoup de personnes prennent ces tours pour des temples consacrés à Bouddha. Leur hauteur est de près de 25 mètres et leur circonférence de 50 mètres. Le gouvernement anglais a fait percer dans chaque colline une galerie conduisant jusqu'au-dessous de la tour, dans l'espoir de faire des découvertes qui jetteraient quelques lumières sur ces constructions. Mais on n'a trouvé qu'une voûte souterraine entièrement vide. Fin de la deuxième partie du chapitre 12.